Poème pour les montées. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours. Mon secours vient d'Adonai, l'auteur des ciels et de la terre. Il ne laisse pas chanceler ton pied, il ne te s'emmole pas ton gardien. Voici, il ne s'emmole ni ne sommeille le gardien d'Israël. Adonai ton gardien, Adonai ton ombre à ta main droite. Le jour le soleil ne te frappe pas, ni la lune la lune. Adonai te garde tout mal, il garde ton être. Adonai garde ta sortie et ton accès dès maintenant et jusqu'en pérennité.